Bonjour, direct du samedi 15 juillet, 7h le matin. J'ai décidé de faire ça plus de bonne heure, un petit peu. Pour toutes sortes de raisons. Ah, ça a l'air correct. Donc oui, il est de bonne heure. Je pense que c'est mieux de le faire plus tôt. Pour cette fois-ci. Donc, une fois que ça va être vu que je l'ai fait plus tôt, mais la semaine prochaine, bon, on verra. Mais c'est ça. Donc, il y a déjà quelqu'un. Vous devez être en Europe. Il doit être quoi? Il doit être 11h le matin chez vous à peu près. Donc, je vais quand même attendre que des gens arrivent. Ah, bonjour, Mister Guerrière. Bon matin. Ah, bonjour Martin, bon matin. Donc, moi j'ai décidé de faire ça plus tôt. De toute façon, je dors pas beaucoup, je dors de 5 à 7 heures. Je me couche de bonne heure, donc. Oui, je suis de bonne heure, je pense que ça va être mieux comme ça. Bonjour Didier, Isabelle. Peut-être plus que je vais avoir plus des Européens en étant tellement tôt comme ça. Bonjour Manon. Tout est au bon niveau le son. OK, 13h07 en Provence. Ah oui. Bon matin. Donc, oui, c'est de 6 à les heures de décalage. Je ne connais pas. Bonjour, moment présent. Annie Bergeron, bon matin. Vous devez être au Québec. Habituellement, les Bergerons. Mathieu, bon matin. L'île Aura, OK. Oh, c'est une expression que j'ai pris au docteur Mayou, là. Enfin, je la trouvais drôle. Bon, ici, 7 heures dans ma roulotte à Nantes, ah oui. C'est l'heure du midi ici, ah, déjà. Bonjour à tous. Donc, je me suis dit comme ça, ça va peut-être être plus tranquille, on va avoir la paix. Donc, est-ce qu'il y avait des sujets? Est-ce qu'il y a des choses... Dernièrement, il est arrivé quelque chose hier. Vous savez, j'ai un chat, puis il est tout le temps... Moi aussi, les lourds, ah oui. Il est tout le temps dans la porte des voisins. Ben, j'ai essayé d'aller le chercher, puis de lui dire de ne pas aller là, puis de ne pas aller là, puis de ne pas aller là. Puis je lui dis, non, tu n'as pas le droit, interdit, puis il sait que je ne veux pas. Mais il va pareil. C'est un chat, hein. Donc, puis là, hier, il y a une voisine. Elle sort. Ben, il se met à garrocher des affaires par la tête. Là, j'étais... Je suis allé le chercher. Je suis passé devant elle comme un coup de vent. Je suis allé le chercher. Je l'ai ramené. J'ai dit, faites-lui jamais de mal parce que ça fera pas. Elle se retourne vers moi et dit, mais vous êtes malade? Je dis, tout à fait. Donc, faites attention. Puis, finalement, si même, je veux rentrer. Elle va certainement me faire une espèce de plainte, mais étant donné le prix qu'on paye, le plus de temps qu'on est là, je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. Mais, bon, les lourds, c'est tellement pas beau comme, c'est pas très bien comme expression. Oui, parlez-nous, on dit, pouvoir de l'intention. Il n'y a pas vraiment de pouvoir de l'intention. Pas au sens, à mes yeux, en tout cas, pas au sens où ça s'est répandu dans les affaires de. Vous vous souvenez, là, le secret, ces choses-là. Tomber du lit ce matin, ah oui. Bon. Ben, l'affaire, là, le pouvoir de la, c'est le pouvoir de la volonté. Mais là, c'est plus de la puissance, on peut dire. Quelqu'un qui est en puissance, mais pas puissant au sens, on l'entend d'habitude. Mais l'affaire, le pouvoir de l'intention, c'est parce que là, on risque de tomber dans de la. Vous savez, là, c'était bien à la mode dans les années 80. La pensée positive pour ces choses-là. Non, une volonté réelle, ça ne va pas être en pensée. Pas besoin. Pas nécessairement. Comment focaliser l'attention? L'intention et le sentiment. Ben, c'est d'avoir de la présence. Si vous êtes centré. Si vous êtes centré, vous avez un centre, puis il y a une multidimensionnalité autour. Puis c'est lié, je pense, à l'identité. L'identité, une des choses les plus attaquées. La monétisation de votre chaîne vous permet-elle de filmer de l'étoile, de filtrer? Non. Non, pas du tout. Ça me permet de justifier la monétisation en me servant des trolls comme prétexte. C'est ça que ça fait. Mais bien franchement, je pensais que j'aurais accès de nouveau à des fonctionnalités que j'avais perdues comme Creator Studio, puis il semblerait que non. Fait que peut-être que je vais l'enlever, la monétisation. Justement, l'intention n'est pas la volonté. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, l'intention, c'est psychologique. Tandis que la volonté, ça l'est pas toujours. Ça peut être plus fort que ça. Fait que bon, l'intention. C'est lié à la pensée, hein, l'intention. Donc, moi, ouais, puis prenez quelqu'un qui s'identifie à ses pensées, ben, il va avoir moins d'identité. Souvent, là, oui, mais, OK, justement, OK, oui, mais personne n'enseigne ça. Ça s'enseigne pas. Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment une pratique. C'est une affaire d'expérience, je pense. De pratique. Il faut vraiment se casser la gueule avec le psychologique longtemps. C'est un peu comme quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans, je lisais beaucoup Jung, Freud. Puis ça a été long avant que je me rende compte que j'apprenais rien, dans le fond. Hein? Pas de suite, il y a un nouveau d'abonnés nécessaire, peut-être. Bon, peut-être. Ben, vous dites pas de suite, il y a un nombre d'abonnés nécessaire. Ah, peut-être, ça se peut. Est-ce que vibrer au... Ben, je vais être pris pour dire au monde de s'abonner, j'ai pas envie de faire ça. Est-ce que vibrer au point zéro est une doctrine New Age? C'est une bonne manière d'être centré, quoi, être dans la non-polarité. Ça se peut que ce soit une doctrine New Age, parce que je sais pas de quoi vous parlez. Au point zéro, vibrer au point zéro. L'affaire, c'est comme dernièrement, j'ai vu ça, quelqu'un qui dit « Ah, oh, la vibration, c'est du New Age. » Et même les textes sacrés anciens, ça parle de ça. C'est quoi la parole? C'est on module une vibration dans l'air, puis on émet. Donc, même la pensée, jusqu'à un certain point, on émet. Il y a émission. Émission. Avant que ce que ça voulait vraiment dire avant qu'on ait les gens à la télé là, puis qu'ils écoutent des émissions au lieu d'émettre. C'était un peu comme quand est arrivé le VHS, là, les gens, là, les cassettes vidéo. Une cassette, c'est une petite caisse qui servait à mettre de la monnaie. C'est ça une cassette. Hein? Bon. La visualisation. Là, on entre dans le monde. On tombe dans des affaires que pas besoin de visualiser. Voir puis visualiser, c'est pas pareil. Si vous voyez ce que vous avez à faire, vous n'aurez jamais à visualiser. Dans le fond, là, c'est encore dans le monde du délai, hein, la visualisation. Que vous fayez un. Ça dépend. C'est le corps de désir, j'ai remarqué ça, draine de la force au corps de volonté. Vraiment. Puis là, il faut transmuter le corps de désir en volonté réelle. Donc, la visualisation, je ne sais pas, là, la centricité rend la vie plus facile. Pas de cassage de tête, c'est ça. Bon, on perd moins d'énergie, dans le fond. L'écriture automatique de Chico Xavier. Filtrage ou parasitage. Vous savez, le Brésil, moi, là-bas, le spiritisme est une religion officielle. Là. Ça fait partie des religions officielles. Imaginez. Là. Moi, je ne les ai jamais lus, par contre, ces affaires à lui. Mais je suis au courant des cas. Là. Supposément qu'il densifiait des formes. Mais bon. Ça ne veut pas dire que c'est. Bon, en tout cas, le New Age n'est pas récupération d'énergie et d'information, ou entre autres. Mais c'est de la déformation. Le problème avec le New Age, c'est que... Comment je pourrais dire ça? C'est l'astralisation du savoir. C'est devenu de la connaissance. Donc, ça sert à... En tout cas, le beau émet de la lumière, oui. Ce qui est harmonieux. Ce qui est harmonieux. Puis l'ondulatoire. Donc, bonjour Bertel, bon matin à tous. Bonjour. Bonjour Jean. Bon matin. C'est bien matinal, oui. Oui, comme ça, on prend une vitesse un peu. Le point zéro, en fait, c'est d'inclure ou de voir les deux polarités dans toute situation. Tout n'est pas blanc ou noir. Ouais, mais justement, le point zéro, là, on va tomber dans le gris, tout le temps pareil. Des fois, c'est blanc, puis des fois, c'est noir. Des fois c'est jaune, des fois c'est brun. Donc, la vibratoire, c'est instantané, dans le sens que vous allez voir. Vous n'aurez pas à vous faire un effort pour voir le bon côté dans le pas bon. Vous n'aurez pas à faire un effort pour dissoudre la négativité pour voir le négatif que vous vouliez pas voir pour vous protéger psychologiquement. Donc, je vais l'affaire de point zéro. Est-ce que la centricité, c'est un point zéro? Oui. Oui. Mais il faudrait que je regarde c'est quoi ces affaires-là. Puis probablement que même là, moi, je suis pas une référence dans le sens où faut pas me considérer comme une autorité là-dedans. Là. C'est ce qui est vous en pensez. Puis c'est important de penser en guillemets, dans le sens de ben. Au pire, essayez ça. Vous allez voir ce qui marche ou pas. Être empirique un peu. Mais là, il y a des affaires que c'est plus dangereux. Là. Dans le sens que, il y en a, là, comme ils vont se mettre à étudier des affaires comme la démonologie, que la moitié, c'est de la. Puis psychologiquement, même s'ils se pensent au-dessus d'eux, ça va avoir un effet. Veux pas, là. Fait que deux affaires que. Je sais pas, là. Ils finissent, ils ont les mêmes tics nerveux que les gens qui étudient la go ici, pis ces affaires-là. Je sais pas, là. Et pourtant, la maîtrise de l'intention permet de créer une forme de réalité par la mobilisation d'énergie cosmique, selon certains. Ouais, il y en a qui disent ça. On tombe dans de la magie. Un petit peu. La pensée magique. À un moment donné, ce qui est le plus intéressant, c'est réellement le concret, le plancher des vaches, puis travailler à partir de là. Mais l'affaire, là, on mobilise des énergies cosmiques, ça, c'est une façon de voir. Mais ça peut devenir une rationalisation. À un moment donné, il était venu chez nous, un vendeur d'assurance, puis il me disait, oh, notre compagnie d'assurance, elle a été fondée par un monsieur un tel, que lui, c'était la pensée positive, puis il est devenu multimillionnaire, puis tout. Puis là, je le regardais, puis je le trouvais spécial, le gars, parce que d'habitude, quand je reçois des gens chez moi, je veux qu'ils s'assoient devant moi. Lui, il voulait s'asseoir en équerre. Il voulait être à côté. Puis là, je me disais, OK. Lui, il a eu des techniques. Je sais quoi le nom de ton monsieur? Il me donne le nom. Je tape le nom du monsieur. Puis, je tape à côté, degré. Il apparaît immédiatement dans Google Images l'image du bonhomme avec son chapeau de franc-maçon, 33e degré, toute la patente, là. Là, je monte ça. Je dis, ah. Finalement, il ne m'a pas vendu d'assurance, lui. J'en avais déjà. Bonjour, Lucie. Bonjour, Mélanie. Ah, le vibratoire, c'est plus souvent. Bon, j'en parle. Le vibratoire, c'est plus souvent agi que parler. C'est les deux. Mais quand vous parlez, vous agissez. Ça avait un effet. Ah, j'ai pas eu le temps de vous lire, Solène. Mais quand vous parlez, vous agissez. Il y en a, ils vont dire grand parleur, petit faiseur. Ouais, mais attention, là. Ça veut pas dire qu'on peut dire. N'importe quoi. Mais bon, prier à la pluie n'est pas de souhaiter la pluie, mais de sentir la pluie. Ce n'est pas une intention, c'est sentir. Ouais, si on peut dire, mais prier à la pluie, ce n'est pas souhaiter la pluie. Mais de sentir la pluie. Ouais, je pense que je comprends, mais je suis pas sûr. Je pense que je suis pas sûr. Mais prier, Tu sais, avant, anciennement, les gens qui priaient, souvent, ils n'osaient rien demander. Ils rendaient grâce pour ce qu'il y avait. C'est tranquillement, on est allé vers. Puis finalement, que penses-tu des réalités personnelles en intrication avec les autres qui peut former une réalité collective? Ben, dans le fond, ça revient à ce que le bon appelle une foule. Une foule, ça peut être 5, 6 personnes. Ça dépend. Si les gens ont tous une individualité réelle, une identité forte, une centricité de la présence, les voir addition d'individus. Donc, c'est pas collectif, là. Ça va être réel, ça va être fort, mais c'est pas un collectif au sens où on l'entend d'habitude. Ça va être ce qu'on pourrait appeler une communauté, une vraie. Ou une micro-société, si vous voulez. Hein? Bonjour Berthold, penses-tu que le tarot puisse être exploité vibratoirement hors de tout programme néo-ésotérique? Le problème avec le tarot, c'est qu'il y a longtemps, bon, il y a eu des persécutions par rapport au judaïsme, puis ils ont décidé de certaines choses par rapport à la Torah, ils ont décidé certains principes qui étaient liés à des choses assez subtiles, là. Bon, ils ont décidé de mettre ça en image. C'est devenu le jeu de tarot. Comme vous savez, en France, qui est réellement un jeu, on peut jouer au tarot. Mais comment je pourrais dire ça? Ça s'est alourdi. Ça s'est alourdi. Puis il y a eu tellement de choses, justement, liées au New Age. Mais oui, possiblement. Mais il risque que. Moi, je touche pas à ça, là. Je touche pas à ça, le tarot. Même, je comprends, là, je veux dire. Souvent, il va y avoir 3 couleurs. Ils sont importantes. Aussi, il y a des archétypes de niveau de conscience qui sont représentés. Comme la pendule, là, qui agit à la... qui est... J'avais remarqué ça avec des gens, vous leur montrez la carte du pendu, puis ils vont être portés à la mettre à l'envers. C'est sûr. C'est certain. Ben, le fou. Il y a quelque chose lié à l'aéro solaire, entre autres. Mais bon, c'est des choses. Bonjour du sud-ouest de la France, bonjour à vous. Oui, déchaîner, c'est la question. Comment créer une intention collective plus positive? C'est parce que vous êtes dans la polarité du psychologique. C'est quoi une intention collective plus positive? Il va falloir commencer par être réel tout seul, puis après, on peut voir si on peut être collectif. Dans le fond, là, de toute façon, les autres, ils vont souvent aider à engendrer de l'individualité. Ils nous mettent en vibration, les autres. Dans le sens que, c'est un apprentissage à gérer de l'énergie. Comment devenir des médias grand public? Je pourrais pas vous dire. Vraiment, là. Pourriez-vous expliquer un peu plus avant la vidéo sur la femme qui chevauche la bête? Il n'y a pas grand-chose à dire, dans le fond. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, je ne savais pas sur quoi, là. Moi, à mes yeux, la bête, c'est un système planétaire. Puis la femme, ce qu'on pourrait appeler, il s'en vient une religion qu'on va dire universelle. Donc, je ne sais pas si c'est correct. Récemment, vous avez dit que la vie n'a pas de sens, mais une autre, une nature. Pourriez-vous vous approfondir? C'est parce qu'il y a l'interface du psychologique, puis on rationalise la réalité. Donc, c'est ça, dans le fond, la personne qui vit psychologiquement a besoin de se nourrir à un sens. Il faut que ça ait du sens. Parce qu'elle est dans le psychologique. Mais prenant un animal, il n'a pas besoin de réfléchir ou de penser pour survivre ou savoir ce qu'il a à faire parce qu'il n'est pas dans le psychologique. Il fait partie de la nature des choses. Sauf que là, c'est la nature qui intègre l'animal. Alors qu'un être humain, il va falloir qu'il intègre la nature des choses, qu'il soit sien, qu'il voit la réalité, si on peut dire, sans avoir besoin de rationaliser, de polariser, positif, négatif, de donner du sens. Si vous trouvez que la vie a un sens, parce que vous donnez un sens. C'est pas la vie qui vous donne, qui est censée vous donner du sens, mais le psychologique, c'est inversé. Il y a des jeux de miroir. Donc, à un moment donné, l'affaire, c'est on va entrer dans le réel. Mais là, maintenant, il faut sortir à un moment donné, il faut sortir un peu du psychologique pour ça. Puis, on devient moins affecté. Un petit peu moins. Ça dépend par quoi. On va pas être moins sensible, là. Mais la vue des choses est plus froide un peu. Donc, bonjour, Soso Adas, la première fois que je vous vois. J'ai constaté pour moi que je ne peux plus me servir du tarot. Il refuse de me parler. Il faut croire qu'on ne veut pas de projection dans l'avenir. La projection dans l'avenir, la plus facile, c'est de la voir l'avenir en germe dans le présent. Bien franchement, ça, c'est de la lucidité. Il n'y a pas une mancie qui peut remplacer la lucidité. Dans le sens qu'à un moment donné, il y a des choses, on le sait. Mais si ça ne veut plus vous parler, ben peut-être que c'est pas une mauvaise idée d'arrêter ça. Puis d'habitude, j'aime pas ça donner des choses comme ça, là, dire quoi faire ou donner des conseils, c'est pas mon genre. Ben moi, le monde qui tire les cartes, j'ai bien de la misère avec ça. J'aime pas ça. Il y a quelque chose là-dedans de... On se fait mener en bateau, hein. C'était quoi, donc? Il y a un enregistrement, là, de Bernard, c'est les forces... Oh, je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps, ça fait des années. Le beau, c'est naturellement beau. Ce n'est pas un concept. Exactement. L'harmonie, c'est défini par des lois qui précèdent la perception. Donc, il y en a, ils vont dire, ah, tous les goûts sont dans la nature. Ouais, les goûts. Mais le beau, c'est le beau. Il y en a du monde qui n'ont pas de goût et qui trouvent que ce qui est laid, c'est beau. Donc, déchaîné. Encore, ça me fait dire que beaucoup d'humains handicapés sont moins dans le psychologique, ouais, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est spécial à dire, mais souvent, à un moment donné, quand on va entrer dans une certaine lucidité ou qu'on va entrer dans le concret ou le pratico-pratique, ça va être parce qu'on n'a pas le choix. J'ai jamais vu des gens qui prenaient la décision psychologiquement parlant de devenir plus lucide. C'est le fait qu'ils sont rendus à un point dans leur vie souvent où ils n'ont plus le choix. Parce que les mécaniques de protection psychologique, ça ne fonctionne plus. Puis ça devient nuisible. Là, tout d'un coup, ils n'ont plus le choix. Fait que bon. J'ai arrêté le tarot, mais je ne le faisais que pour moi, pas pour les autres. Ouais, ben, il y en a qui s'en servent. Bonjour, Novak. Il y en a qui s'en servent. C'est pour. Comment je pourrais dire ça? Il me semble qu'il y a Daniel Ménard, là, qui, lui, il en parlait, c'était par rapport à les gens comprendre la parole, un peu au sens de leur parole, c'est-à-dire être plus, je pourrais pas, moi je l'ai pas eu, là, je n'ai pas été dans ces affaires-là, mais il reste que je peux comprendre que oui, c'est parce que ça peut servir d'un miroir pour regarder, vous regardez vous. Puis voir des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Un peu comme un singe qui prend un miroir pour regarder des parties de son corps qu'il n'a jamais vues. Ça peut servir à ça. Mais c'est comme... comment je pourrais dire ça? Ben c'est ça. Il y a des archétypes expérimentaux, de niveau de conscience, on peut dire, qui sont figurés là-dedans. Mais comme c'est systémique, ça peut être appliqué à tellement de choses... C'est basé quand même sur des lois. Mais le problème, c'est que ça s'est alourdi avec le temps. De toutes sortes de choses. Plus ça trimballe de la mémoire. Hein? Rapport au tarot, connais-tu? Jodorowsky. Moi, le monsieur LSD qui faisait des films que je ne suis pas capable d'écouter, là. Hein? Alexandro Jodorowsky. un certain tarot peut aider à parler. Ouais. Mais c'est pour ça que peut-être Ménard, c'était peut-être intéressant, parce que c'est la façon dont on s'en sort plus que la façon qu'on le voit, peut-être. Donc, le tarot psychologique. Ben, je sais que, il me semble que Jung s'est intéressé à ça. Mais, oui, ben, vous avez là-dedans des arcanes. Il y en a 22. Pourquoi? Ben, parce que ça vient des Juifs. Puis, en tout cas. Mais il reste que, ouais, ben oui, pourquoi pas. Mais il reste que moi, j'ai un petit dédain là, pour le tarot, après l'avoir étudié longtemps. Pas, je parle pas de pratique de taromancie, là. Moi, c'est en tant que système. Que penses-tu des lettres hébraïques? Ben, c'est ça. C'est, il y a des lois qui font que on peut synthétiser des choses par rapport à une vue systémique. Donc, les lettres hébraïques, il y en a, ils pensent que ça viendra entre autres du phénicien. Je ne crois pas ben ben. Je ne crois pas ben ben. Il y aurait peut-être une source commune, là. Mais là, on tombe dans des choses sensibles un peu. Mais étant donné que c'est vraiment systémique, c'est un système. C'est même pas un système de pensée, c'est une pensée systémique. Puis là, on tombe dans des choses pas mal subtiles. Une façon de voir. Une façon de voir. Des façons de voir. De toute façon, une vue, ça va tout le temps être un faisceau. Mais là, on peut tomber dans des. Il va y avoir plein de faisceaux, là. Pourquoi un soleil va souvent être représenté avec 12 rayons? En tout cas, bon matin. Utiliser le tarot ou être utilisé par le tarot, la ligne est très mince, et voilà. Mais là, c'est parce que ça va servir d'interface à de la programmation ou à des forces qui chevauchent. Bon, ça va être une selle un peu. C'est pour ça que j'ai de la misère avec tout ce qui est immense. C'est vraiment là. Fait qu'à un moment donné, bon, c'est ça, là. Si ça peut servir en tant que logiciel pour voir plus loin, là, c'est correct. Mais si ça devient une pratique liée à de la croyance, liée à de la superstition, liée à un système de croyance, là, je suis plus d'accord. C'est tout le temps malsain, dans le fond. Bon matin, je déjeune avec toi et je m'en vais travailler. Merci à l'avance. Ben, merci à vous. Comme, ben c'est ça, j'ai décidé de faire ça plus tôt. Puis, comme ça, on prend de vitesse. On prend de co. Puis, comme ça, j'ai pas à mettre de modérateur. Fait que, bon, je me suis dit, si la vie n'a pas de sens, alors tous les événements que nous vivons n'en ont pas. À quoi sert la programmation? C'est pas un sens dans ce sens-là. Un sens dans ce sens-là. Ben, c'est comme si on demandait à quoi ça sert. On est psychologique. C'est pour ça qu'on cherche un aspect utilitaire. Utilitaire. On se dit ça doit être comme ça pour une raison. C'est plus des raisons qui font que c'est comme ça. Que les choses, ben, vous voyez, c'est un peu comme si on regardait la création à l'envers. Parce qu'on est dedans. Puis, mais on est à l'image d'eux, donc on veut le voir ça du dehors. Mais il reste que les choses ont une nature. Dans le sens, il y a des lois, ça fonctionne d'une certaine façon. Mais on essaie de donner un sens, dans le sens que, ben, c'est ça. Là, je me perds un peu, mais il me semble, je pense, ça se tient. Après, je me réécoute, j'ai perdu la mémoire là. Il faudra que je vous relire. Si la vie n'a pas de sens, alors tous les événements que nous vivons n'en ont pas. À quoi sert la programmation? L'affaire, c'est que ça a un sens dans le sens que ça a des directions. Mais ça n'a pas de sens dans le sens des rationalisations psychologiques liées à la gestion des affects d'un individu par rapport à la vie. ça que je veux dire, entre autres. L'humain veut savoir à travers les miroirs. Un jour, il n'aura plus besoin de miroir, c'est ça. Ben, il va se rendre compte que le miroir inverse, puis qu'il y a une inversion parce qu'il était polarisé. On va souvent représenter le terrestre avec une ligne horizontale. Il y avait le tour des Grecs. Le tour des Grecs avait une barre, puis bon. Mais eux autres, c'est les premiers qui ont parlé, les forges de Vulcain, puis ces affaires-là, les Styx, puis à un moment donné, il a fallu rajouter un autre. C'est une barre qui va vers en bas, une qui va vers en haut. Mais il y en a encore qu'ils nous parlent de l'enfer en disant là, en bas, là où il fait très très chaud, ils ne voient pas que ça vient du paganisme. Désolé. Désolé. Si votre foi est basée sur la peur de l'enfer, c'est une foi d'animal psychologique. Il n'y a pas le contact, là. Bon, c'est ça. Les trolls se lèvent plus tard et voilà. Ça, je le sais d'expérience. Ben, dans le sens que souvent, les gens très astralisés, c'est des oiseaux de nuit. Bon, c'est comme ça. La fasciathérapie nous met en relation avec le corps trop souvent absent des approches supra. Ça se peut, mais prenez Daniel Ménard, il faisait tirer de la carabine aux gens pour les faire. Vous avez Kemp, il a carrément créé un art martial. Il y a plein d'exemples, ça. Il y a plein d'exemples comme ça. Souvent, l'une des premières choses que les gens qui sont là-dedans, ou si vous avez affaire à quelqu'un qui fait de la consultation, il va vous demander, vous faites quoi dans votre vie? Il va vouloir savoir le concret, là. La femme de Bernard de Montréal, l'une des premières questions, supposément, qu'elle posait quand elle aurait fait un petit peu de consultation, là, je parle de la première, Madame Pierrette. Ça, c'est selon un enregistrement, c'est Bernard qui parlait. La première chose qu'elle demandait, c'est ça va comment à votre vie sexuelle? Ça va comment? Ça peut paraître spécial, mais c'est pour savoir ce que la personne est. Mais il reste qu'au niveau des approches, je sais pas, il faut que vous soyez centré dans votre corps. Dans le sens, si vous avez les mains pleines de pouces, ça veut dire que vous êtes comme pas tout à fait incarné. Là. Si vous êtes tout le temps en train d'échapper des objets, ça va être dans les choses, les premières choses que les gens vont faire. Demandez, avez-vous tendance à avoir des accidents? Encore hier, je vais à la banque, puis la dame qui était avant moi, elle avait oublié un livret. Et ça, c'est un manque de centricité, c'est un manque de présence. Je n'ai jamais oublié un papier à la banque. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourtant, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, j'oubliais des objets. Je manquais de centricité, je ne m'habitais pas. Assez, je manquais de présence. Mais le supra, c'est ça, là. Dans le sens que c'est pas d'avoir la tête dans ce qui est au-dessus d'eux, c'est d'être connecté avec. C'est pas pareil. Il faut que ça aboutisse à un terminal. La centricité, ça va être un terminal. Faut que ça descende d'en haut, puis là, ça couvre l'horizon. Fascia, réseau d'informations intelligentes. Je connais pas bien franchement la fasciothérapie non plus. L'intelligence artificielle humaine donne son consentement à une programmation par une machine. L'esprit sera éventuellement reprogrammé. L'esprit, ça dépend de quoi on parle là. Ça dépend. C'est pas l'esprit au sens où je l'entends. L'esprit, ça ne se reprogramme pas. Ça dépend de quoi on parle. Mais l'affaire de l'intelligence artificielle, c'est oui, l'être humain, il donne tout le temps son consentement. Il donne tout le temps son consentement. Mais moi, l'intelligence artificielle, je vois un petit peu ça comme l'être humain est entré dans le psychologique. Il n'avait pas le choix de consentir. C'est une faiblesse liée à l'âme, entre autres. Comment je pourrais dire ça? Prenez l'affaire, l'histoire, le jardin d'Éden. C'est Ève qui convainc Adam Puis c'est pas parce que tout d'un coup ils savent de quoi à cause d'un être qui a une parole, c'est parce qu'ils sont séduits par un discours. Toute activité permettant de décrocher de l'intellect a une valeur, oui. Comme moi, c'est surtout le jardinage. Des fois, je vais faire la vaisselle. Faire la vaisselle, faire du ménage. Il y en a, ça peut être plein de choses. Faire des petits travaux manuels. Mais souvent, on se remet à penser. Hein. Le geste devient automatique, mais on se remet à penser, puis on fait des erreurs. Fait qu'on se remet plus dans le concret de ce qu'on fait. J'ai remarqué que ce que vous appelez la psychologie est un mécanisme qui sert à meubler l'existence. Le réel n'est pas très fun, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? Le confort en dehors. Le confort en dehors, c'est un petit peu comme si vous vous entraînez physiquement puis que vous avez jamais été sportif. Au début, c'est déplaisant. C'est pas sortir du psychologique. Là, c'est utiliser un autre corps qu'on ne sert pas souvent. C'est sûr que c'est pas confortable. C'est comme être. C'est comme se faire réveiller quand ça ne nous tente pas. C'est un peu comme un ado là, qui se fait réveiller le matin. C'est pas le fun. Hein. Même des fois, ça fait quasiment mal. Quelqu'un qui aime ça dormir le matin, dormir jusque dans l'avant-midi, qui se fait réveiller, il y a une souffrance là. Hein? Je passe plus de temps à l'observation que tout vouloir comprendre dans ce bas monde. Et par le fait même, la compréhension se fait d'elle-même. Et voilà. Même si on voit quelque chose, on n'a pas besoin de le comprendre. On le voit, on le sait. Parce que là, comprendre, là, il y a un effort. Il faut synthétiser au niveau du psychologique. Il faut créer une modélisation interne. Faut qu'il y ait une compréhension. Ça finit plus. Ça, c'est réfléchir. C'est pas nécessaire toujours. Même des fois, je me demande si c'est vraiment nécessaire des fois. C'est difficile de rester centré quand les événements te bousculent moins. Mais à un moment donné, ça finit que c'est une nécessité. Parce que si on n'est pas centré, justement, quand les événements nous bousculent, c'est là qu'on fait des gaffes. Ce qu'on appelle des gaffes. Le réel ne peut pas être le fun, il n'a pas cette valeur psychologique, c'est ça. C'est ça. Puis plus on donne une valeur, qu'elle soit positive ou négative, plus on. Hey, Marie-Jeanne, bonjour. Plus on donne une valeur, plus c'est psychologique de donner une valeur. Les choses ont une nature. C'est-à-dire, si vous buvez de l'eau de Javel, vous allez vous empoisonner. Si vous mangez des petites fraises, ça va être bon pour votre santé. C'est lié à la nature des choses. Ça ne veut pas dire que l'eau de Javel, ça n'a pas de valeur. Ça peut servir. C'est une question de discernement, plus que l'importance qu'on accorde, au sens où chaque chose a sa place. C'est un peu ça, le discernement. C'est quoi dont j'avais vu, justement, on parlait le tarot tantôt, la tempérance. La tempérance, l'harmonie, le discernement, savoir de la mesure, c'est-à-dire voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est pas donner une mesure. Voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, finalement, les choses, on se rend compte, n'ont pas de valeur. J'aurais de la difficulté à faire ce que je fais là si je donnais une valeur. Parce que là, je tomberais psychologiquement, je donnerais une valeur, puis ça m'alourdirait. Le psychologique, ça alourdit, ça ralentit. Votre psychisme, c'est un peu comme de l'énergie qui passe à travers des structures puis qui les met en mouvement. Plus c'est psychologique, plus les rouages sont lourds, pesants, puis plus ça va aller lentement. Puis quand vient le temps de constater ce qui se passe, c'est-à-dire voir ce qui se passe, il va y avoir un délai de plus en plus. Plus vous êtes psychologique, il va y avoir un délai. Il y a souvent, vous allez être mis dans une situation que, dans le fond, vous vous mettez à réfléchir, puis là, vous vous désinformez. Puis finalement, une fois que vous pouvez vérifier, puis vous constatez c'est quoi les faits, en fait, là, vous vous rendez compte que vous vous êtes désinformé en réfléchissant, mais la réalité, vous la saviez dès le départ. Quand j'étais enfant à l'école, souvent, le professeur posait une question, puis j'avais la bonne réponse immédiatement, mais je me mettais à réfléchir, je me désinformais, puis je donnais la mauvaise réponse. Puis là, finalement, quand il donnait c'était quoi la bonne réponse, je me rendais compte que je le savais, au fond, mais que je me rendais pas compte. Je pense que vous comprenez. Le réel, c'est simple, ça peut être plat, mais dans le réel, il y a la beauté systémique, oui. Ben oui, puis c'est peut-être le seul réconfort. Le seul réconfort. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme si vous regardez les vieux livres d'anatomie. Au début, ça peut être rebutant parce que on trouve ça un peu dégueulasse. Mais c'est très beau, en fait, comment les biologiques fonctionnent. Puis finalement, on repasse le dédain qu'on a au début. Donc, mais voir ses vulnérabilités aussi. Savoir comment on est fait, c'est se rendre compte qu'on est mortel. Non. Hein? Bonjour, quelle est l'origine du minéral et de la géologie et des êtres vivants organiques? Ben, c'est la densification. La densification, toute la création est densification. Puis le créatif, c'est lié à des lois. Des lois. Mais l'origine du minéral, c'est vraiment de la densification. Puis tout ce qui est dense va se mettre à avoir une fréquence. Là, le vivant est pas loin, mais le minéral finit par être vivant. Là, ça veut dire qu'il y a de l'interplanaire. Là, tout d'un coup, il y a un autre plan. Donc, qui se manifeste, hein? Ça traverse les couches. C'est un peu comme il y a la lumière qui a son propre plan, si vous voulez. Puis là, tout d'un coup, ça traverse. Mais là, à un moment donné, ça arrive à une couche dense, ce qu'on pourrait appeler les ténèbres. Là, ça, c'est, il y a l'espace-temps. Là, tout d'un coup, il y a un processus qu'on va appeler le vivant. Puis le premier règne, ça va être le minéral. Mais je parle au niveau matériel, parce qu'il y a possiblement du vivant avant ça. Mon voisin à l'envers. Lors de, pour ce qui est de la géologie, là, puis les êtres vivants organiques, mais on n'était déjà pas loin. On était déjà pas loin. Juste dans le minéral, on voit déjà en germe le cellulaire. Si vous regardez les structures atomiques des minéraux, puis ces choses-là. Bon, en tout cas, comme je vous dis, ça n'a pas valeur de vérité, là. Mais je le vois comme ça. Je vous donne. Lors de mes longues marches à pied, se présentent des réalisations fulgurantes. Tout est clair, mais lorsque je tente d'y repenser, la clarté a disparu. C'est là que vous pouvez voir. C'est pour ça que moi aussi, il y a des choses, je les vois, puis après, je l'oublie. Ce qui est nouveau, on ne va pas s'en souvenir. Il faut l'enregistrer. Il faut enregistrer à mesure, ça devient difficile. C'est là qu'on se rend compte que la plupart des pensées qu'on a, des pensées vraiment pas intéressantes dans le fond, soit on n'a pas de difficulté à s'en souvenir, ça veut dire qu'on rumine la pensée qui vient pas de nous. Mais quand vous trouvez réellement quelque chose de nouveau, ou que réellement vous sortez quelque chose qui vient plus d'un principe qu'on pourrait parler d'esprit qu'un principe d'âme, là, la mémoire, ça va, vous allez vous rendre compte que, ouais, là, la mémoire est pas capable d'enregistrer. C'est comme il y a certains conférenciers, c'est le public qui ne se souvient même plus. La personne elle sort de la conférence, elle ne se souvient plus de rien. Ça, c'est parce que le conférencier il est vraiment amené du nouveau. Le nouveau, faut il faut qu'il y ait une répétition pour que ça s'enregistre dans le plan matériel. Je parle au niveau des structures neuronales, le système nerveux. C'est complètement autre chose. Complètement autre chose. C'est pour ça que quand j'ai quelque chose de fulgurant, puis tout, là, Des fois, souvent, là, je vais l'enregistrer, puis ça va faire les audios. Ou bien, je vais parler sans réfléchir, ça crée les audios. Au moment où je le parle, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens ce que je dis. Après, quand je me réécoute, je me rends compte qu'il y a un fil, puis une structure, puis tout ceci. C'est une autre façon. C'est un autre fonctionnement. La tempérance, beaucoup de gens autour de moi ont du mal avec cet état d'esprit. Être tempéré, c'est comme être insignifiant, me paraît-il. À un moment donné, vous allez trouver ça plus intéressant. À un moment donné, ce qui devient la priorité, c'est d'avoir la paix. On devient plate, mais ça ne nous dérange pas. On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Puis, dans le fond, ce n'est pas que la vie est plate, c'est que c'est jamais plate. C'est jamais plate. Qu'est-ce que je dis par rapport à ça? Je me souviens plus. Bonjour Berthold, vous êtes tôt ce matin? Oui, pour toutes sortes de raisons. Mais cet avant-midi, il y a quelque chose là avec la famille. Minéral, c'est vivant? Ben oui. Certainement que c'est vivant. C'est un prix, ça précède un peu le végétal. C'est un peu quand même. Mais vous ne le dites pas avec un point d'interrogation, donc je ne sais pas si vous savez ça. Mais oui, c'est vivant. Les cristaux croissent. Puis il y a. Comme si quand on casse des cristaux de sel dans le noir, on voit s'échapper. Il y a de la lumière, hein, qui sort. Après l'effort, le réconfort. La fréquence est plus ajustée. Après les chocs, alarmes, un peu de paix de l'esprit. Quoique l'esprit, ça peut être un choc aussi. Mais oui. Ce que je vois. Bonjour Estelle. Marie-Jeanne, je me suis rendu compte plusieurs fois que les pensées viennent d'ailleurs. Ouais, puis voir ça, c'est pas de la pensée, pas une pensée. C'est une vue. C'est de la lucidité. Là, on est dans le surmental. Si vous êtes capable d'observer le phénomène de la pensée, vous êtes dans le surmental. Mais dans le fond, la pensée, c'est le mental. Mais c'est pour ça qu'il disait, il y en a, il disait, il voyait le psychologique puis le monde de la pensée comme le mental inférieur. Puis là, il dirait un mental supérieur, genre le surmental. C'est pas dans le sens d'un mental supérieur comme un grand scientifique, ça n'a rien à voir. Il y a même des grands scientifiques qui sont pas capables de comprendre ça. Ils le voient pas. Ils le voient pas. C'est du monde qui ont une intelligence supérieure, mais il n'y a pas nécessairement une conscience. Puis la conscience, soit c'est là, soit c'est pas là. Donc, même le terme d'une conscience supérieure, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ça n'aurait pas de bon sens. Soit on est conscient, soit on ne l'est pas. Puis ça fluctue. Ça fluctue. Des fois, je me trouve pas mal stupide. Inconscient. Des fois, après coup, je me rends compte que. Donc, la mémoire est capable de se purger petit à petit. Ouais. Ouais. Ben, par contre, moi, j'ai souvent des problèmes. Ça m'engendre des problèmes, hein, ces phénomènes psychiques-là. À un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis ça, par contre, je m'en souviens. C'est des expériences tellement choquantes. Puis, tout d'un coup, je ne me rappelle même plus ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je fais là. Là, je deviens en colère. Puis là, je chiale. Je veux avoir. Je veux avoir. J'en ai besoin là, pour fonctionner. Je veux ça. Puis là, tout d'un coup, ça revient d'un coup. Ça revient d'un coup. Mais des affaires dans le même, c'est pas le fun. C'est un peu comme il y en a qui rapportaient à un moment donné, Bernard, je ne me souvenais plus le nom de sa femme. Que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, je sais que c'est vrai qu'il a dit ça, mais que ce soit arrivé, que ce soit pas arrivé, moi, je serais tellement en colère qu'il y a un moment donné, il faut fonctionner. On en a besoin de la mémoire de la forme pour fonctionner. Sinon, mais on dirait que ça veut à tout prix nous montrer que la mémoire, on n'est pas grand-chose. T'enlèves la mémoire, il n'y a plus rien, là. Prenez les Alzheimer, là. Il y en a qui ouvrent leur couche puis qui mangent, et ouais. Puis là, quand on regarde ça, on se dit, voyons, c'est ça, un être humain, ça tient à pas grand-chose. Ça tient à pas grand-chose. C'est pour ça que, tout cas, si être tempéré est insignifiant, que dire d'être froid? Ouais, l'affaire, c'est de la signifiance, tu sais, ça revient à le sens. Dans le fond, ce qui est le plus insignifiant, c'est ce qui est le plus lucide, le plus. Dans le fond, c'est pas ça. En parlant de quelqu'un de psychologique, puis complètement dans l'intellect, Charles-Maurice Taylor, il disait du tout ce qui est évident est insignifiant. Ça veut dire que. Il accordait plus d'importance à l'intelligence qu'à de la conscience. Parce que tout ce qui est évident, c'est lié à de la conscience. La conscience, c'est évident. Ça va de soi. Lui, il trouvait ça insignifiant. Parce que lui, il aimait ça, les jeux d'esprit, avoir de l'esprit. Ce que autres, ils appelaient avoir de l'esprit. Qui est à mes yeux, qui est. Prenez les. Comment est-ce qu'on appelait? Les précieuses. Les précieuses n'étaient pas capables de parler normalement, d'aller directement au but, fallait qu'ils meublent. Là, hop, hop, hop, hop, hop, les affaires ont pu finir. Des gens qui tiennent salon. Ils ne pouvaient pas dire les dents. C'était l'ameublement de la bouche. Ça, c'en est de l'inconscience. Tant qu'à moi, on est dans de la. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, là. Hein? L'eau alcaline est, elle, bénéfique pour le système. L'eau est alcaline, elle est bénéfique pour le système. Je vois pas vraiment ce que vous voulez dire, mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'eau, mais alcaline, l'eau alcaline, ben, c'est un petit peu par rapport à tout ce qui est acidifiant peut être, donc, ce qui est alcaline. Mais moi, peut-être. Mais on pourrait à un moment donné regarder ça par rapport à. Bon, je l'ai perdu. Bon, ça me revient pas longtemps. Par rapport au cellulaire. Le cellulaire, qu'est-ce qui fait qu'on vieillit plus ou moins vite? Là, le but, c'est pas de devenir immortel. Le but, c'est de pas mourir prématurément. Combattre de la programmation. Combat de la programmation. Quand je dis aux gens, les pensées viennent d'ailleurs, ils sont choqués, c'est sûr. C'est sûr. Ben, il y a bien des choses que je dis, c'est pas pour rien. Il y en a qui m'haïssent. Moi aussi, je trouve que ça me manque là. Les idées. Ah, j'en manque. Le mental n'est pas créatif. Il sort toujours les mêmes trucs en boucle comme un ronron hypnotique, moi. Ben, l'intellect. C'est mécanique, l'intellect. C'est linéaire. Le nouveau, c'est ça apparaît de nulle part. Les idées dans l'air, cela a-t-il à voir avec l'observation de la pensée? Ouais. Vous allez voir dans ce qui se passe dans l'air. Pourquoi, on va prendre les cartes de tarot, là, que nous avons vu qu'il y en a qui ont parlé de ça. Prenez le diable, il est représenté avec des ailes. Il est représenté avec des ailes. Il est dans l'air. Donc, les pensées, c'est quoi l'astral? Hein? Puis, tout ce qui. C'est quoi de la possession? C'est tout ce qui ne vient pas de vous. Donc, la pensée, à un moment donné, prenez le Moïse de Michel-Ange. Il y a une statue un peu moins connue que ses autres statues. Il me semble bien que c'est Michel-Ange qui l'a faite. C'est un Moïse et il y a des bosses sur la tête. Ça, il fait une paire de cornes. C'est quoi ça? En tout cas, même phénomène ici, être obligé de se choquer pour récupérer sa mémoire pour quelque chose d'utile dans la matière. Ouais. Mais à un moment donné, on finit qu'on redevient maître de ses propres archives. On n'est plus choqué. À un moment donné, c'est Bernard, il dit, moi, quand j'ai perdu quelque chose, je deviens en colère, puis je peux à prier Saint-Antoine de Padoue pour retrouver mes affaires. J'y parle directement. Je dis, je veux que tu me dises c'est où. C'était comme s'il donnait des ordres, parce qu'il savait qu'au-delà de la forme, c'est d'autres choses, là. Ça m'est arrivé ça une fois, j'étais tellement en colère, j'avais perdu mes clés, puis il fallait que je parte, puis j'ai demandé avec autorité, sans haut, puis j'ai eu un flash immédiatement des ETO. Puis j'étais tellement surpris par le phénomène. En tout cas, le panpsychisme est de plus en plus populaire chez les chercheurs scientifiques, comme l'atome est une conscience. Ah oui. Et même, c'est quoi un éternel, l'atome? C'est quoi un éternel? C'est quoi de la conscience cellulaire? Il y a un mental cellulaire, de la conscience cellulaire, là, ça commence. C'est quoi la conscience atomique? Là, ça devient. À un moment donné, les scientifiques n'auront pas le choix, ils vont découvrir qu'il y a des plans. Ils vont se rendre compte qu'il y a des plans. Là, on va aller encore plus loin que la physique quantique. Là, ça va être rendu. En tout cas, même, je pense pas le voir, ça. Le jardinage, la marche, le travail en nature, mais le système nerveux à niveau, pour moi, tout est là. J'en ai plus rien. Le secouer du psychologique, c'est tellement du vent, de la pollution. Oui. C'est pour ça que je jardine, que je fais toutes sortes de choses, que je suis devenu de plus en plus un manuel. Vraiment, là. L'acidifiant fait vieillir par oxydation, oui. Pour ça, bon, l'autre jour, j'ai bu de l'hibiscus. J'ai fait bouillir de l'hibiscus. C'était tellement fort. C'était quasiment. C'était, ça avait l'air. Ça ressemblait à du sel. Ça ressemblait à du sel. C'était tellement épais, puis âcre. Mais je le sais. Je veux savoir que c'est. D'avoir un effet. En tout cas. Hein? À mesure d'une certaine intégration, il me semble qu'il y a moins de pensées, en tout cas, moins de pensées dérangeantes comme tout ce qui est répétitif, un peu obsessionnel, ouais. Ben, comme tantôt, je parlais des pensées, je dis de la possession, c'est tout ce qui vient pas de nous autres. Mais la première phase, c'est l'obsession. L'obsession. Tout ce qui est obsession, là, on n'est pas loin. Loin de ce qu'on pourrait appeler de la possession. Mais c'est sûr, moi, quand je parle de la possession, c'est pas au sens comme il y a dans la culture populaire. C'est bien plus subtil que le monde pense. Bien plus subtil que le monde pense. Comme il y en a, là, sont obsédés par le mal, puis ils pensent rien qu'à ça, puis ils pensent rien qu'à dénoncer le mal au point d'étudier de la démonologie, puis blablabla. Ben là, on est dans l'obsession. La possession est pas loin. C'est pas sain. Là, je parle pas, je parle sain au sens de sanité. À un moment donné, là, ce qui nous passe dans la tête, c'est un peu comme on ne laisserait pas n'importe qui mettre n'importe quoi dans votre réfrigérateur, c'est la même chose, là. Il y a une question de comme de salubrité. La salubrité du mental. Puis c'est pas le mental qui peut faire le ménage en lui-même. C'est pour ça l'affaire de surmental. La conscience, c'est pas censé être mental. Avoir une conscience du mental. En tout cas, bon, je vais cesser bientôt. L'acidité serait par contre un terrain anti-cancer, oui, aussi. Le cancer est lié à l'alcalinisation du sang. Là, ça dépend, je dirais, différentes affaires. L'affaire, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. On parlait de tempérance, entre l'alcaline puis l'acide. Comme Paracelse disait, la dose, le poison est dans la dose. C'est la dose qui fait le poison. Donc, même ce qui est simple, ce qui est bon, comme je parlais de l'hibiscus, quelqu'un qui en prendrait des quantités qui n'ont pas de bon sens, il s'endommagerait le foie. Mais il faut continuer à composer avec la psychologie, avec une vue des mécanismes. Ouais. Mais pour faire avec, composer avec, il faut être au-dessus de, avoir un point de vue au-dessus de, donc voir le psychologique. En marche. Sinon, comment être objectif? Une fois, j'ai mis un commentaire BDM, vous connaissez, et la personne me répond, BDM, c'est un luciférien. Ok, ben, coudonc, qu'est-ce que vous voulez? Le pire, c'est que je suis pas loin d'être un petit peu d'accord. Mais il reste que c'est plus subtil que ça, là. C'est plus subtil que ça. Prenez, il y a certaines institutions que je nommerai pas, que je considère comme sataniques, mais ça ne veut pas dire que le monde qui sont dedans, ils s'en rendent compte et qu'ils sont sataniques. C'est la même chose, Bernard. Oui, il y a certains aspects, mais pour faire un job, pour travailler quelque chose, des fois, comme je parlais, pour voir certaines choses, des fois, il faut être en dehors de, mais il y a d'autres affaires pour travailler avec, il faut être dedans. Donc, chacun fait sa job. Chacun fait sa job. Pour dénoncer certaines affaires, il faut les avoir subies. Il y a différentes phases, Bernard, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient borné puis restreint. De toute façon, je parle de quelqu'un qui dit ça, là. Vieillir fait partie de la loi d'entropie, la deuxième loi qui dit que l'entropie augmente toujours et ne revient jamais en arrière. C'est comme l'expansion de l'espace-temps cosmique. Ouais, mais il y a d'autres, comment je pourrais dire ça? Il y a plus subtil que ça. Des fois, il y a des phénomènes qui contredisent. Donc, ne pas confondre acide et acidifiant, ça c'est intéressant. Ouais. Mais, ben franchement, vous savez, moi je suis très calé dans ces affaires-là. Je n'ai jamais été ben bon là, dans ces affaires-là. Dans le sens que la biologie, puis tout ce qui est rapport avec. Moi j'ai l'impression que les gens qui sont des spécialistes de la santé, dans le sens qu'ils aiment cela, les habitudes de vie, ces choses-là, souvent c'est ceux qui vieillissent le plus vite puis qui sont le plus souvent malades. C'est spécial, là. Mais bon, ben, comme il y a beaucoup de psychiatres que c'est des fous, en tout cas, notre société mange beaucoup d'acidifiants, céréales, viande. Ouais. Ben, prenez les taoïstes, les premiers taoïstes, ils mangeaient même pas de riz. C'est spécial, là. En tout cas. Il disait qu'il y avait des vers dedans, mais il ne parlait pas des vers au sens d'autre chose. Plus subtil. À regret, je dois partir. Moi aussi, je dois partir beaucoup. Ah ben, merci à vous. Daniel, je présume que obsession et possession, c'est relié. Ben oui, c'est la même chose. Plus fort que notre petit moi. C'est une question de degré, mais ça commence par l'obsession. C'est le premier stade. Prenez. Souvent, ça va commencer, la personne va être obsédée par des idées. Après, il va y avoir passage à l'acte, si on peut dire. Mais même les églises catholiques voient ça de même. Le premier stade de la possession, c'est l'obsession. Ils savent ça. C'est eux autres, entre autres, les premiers qui ont, quand on parlait des stades de la. Peut-être qu'ils savaient bien gros de quoi ils parlaient. Hein? Prenez saint Thomas d'Aquin, là, c'est la doctrine de les sept péchés capitaux. Ben lui-même, il était gros comme une montgolfière. Il paraît que ça prenait une encavure dans la table pour qu'il puisse s'asseoir. Il devait savoir de quoi il parlait. Hein? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, je vais cesser. Je dois partir. Lucifer dans Agartha et Shambhala. Ouais. C'est parce qu'il y a une affaire, il y aurait les. Bon, on va dire ça comme ça. Disons, il y a des centrales d'où émanent des affaires. Mais ce n'est pas une centrale au sens topologique comme on l'entend nécessairement. Comme par exemple, ce serait quoi une cité qui est sous terre jusqu'à un certain point? On pourrait parler des choses qui sont à des niveaux de fréquence plus bas que le plan matériel comme on le connaît. Tout cas, moi, je le vois de même. Pour rester jeune, il faut abandonner son sac à dos du passé. Ouais, mais il faut l'intégrer. Pour vous comprenez. C'est un peu comme. Ben, c'est ça. En l'intégrant plus qu'en le désintégrant. Les notions de nutrition comme acidifiant, alcalinisant sont une création de forme. Pour moi, ça doit être plus simple que ça. La division dans des formes. Ouais. Ben, moi, c'est plus simple que ça. Je vais être porté par intuition. Mon alimentation va être déterminée par de l'intuition. Tout simplement, je ne me pose pas de questions. Comme j'ai acheté de l'hibiscus. Parce que tout d'un coup, j'avais envie d'en boire. Mais c'est par après que j'ai été voir J'étais en train d'en prendre quand je suis tout d'un coup allé lire pour savoir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est composé comme. Mais c'est intuitivement que j'ai eu envie. Mais souvent, moi, je vérifie après. On parle de si Citré Hayem dit qu'on est tous programmés, il parle des choses différentes. Alors, ça se peut, je connais pas. Bon, moi, je vais devoir y aller vraiment. Merci à vous. Ben, merci à tout le monde. Mystère guerrière. La division et redivision dans des formes. Pas aidant, moi. Ben, si on fait éclater la forme. Ben, dans le sens que, à un moment donné, c'est un système, ça aboutit à du trop complexe. Il faut reculer puis revenir un petit peu à. On n'est pas pour aller dans l'infiniment petit tout le temps. Je parle au niveau d'une pensée systémique, là, de rester à. En tout cas. Pour intégrer, c'est ça. Ah oui. Au lieu de désintégrer, là. Oui, là, si, tout à fait d'accord. Même le chameau ne peut pas prendre qu'une certaine charge sur le dos, sinon il n'avance pas. Ouais. Pourtant, c'est fort, hein. Ça a l'air tellement fort. Puis, je sais pas, mais ça a l'air de courir. En tout cas, faut manger et digérer son sac à dos. Oui, c'est ça. Récupérer l'énergie. Récupérer l'énergie. Rouler sa bosse. Bonne comparaison. Bonne journée tout le monde. Bon, ben, bonjour à vous. Je veux vraiment quitter. Hein? Il n'y a pas eu de troll, hein? Bon. Voyez? On a pris de vitesse. Je suis content parce que comme ça, pas besoin de. Mais là, je sais pas, je peux pas faire ça 100 fois parce que là, il y en a, ils m'aiment tellement pas qu'ils sont capables de mettre leur cadran pour venir m'achaler. Bonjour, j'aime vous écouter. Je cherche une question à poser, mais rien ne me vient. Juste être à votre présence, je me demande ce que c'est. Vous savez, c'est bien ordinaire. Je suis pas différente personne, là. Merci pour l'échange. Merci à vous. Bon, merci. Me réveiller aussitôt, ça me permet de profiter. Ben, vous deviez être réveillé d'avance. Hein? Une bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Merci, Marie-Jeanne. Passe par le chat. Ah, le chat. Oui. Bonne journée. J'ai vu après l'aiguille. Bonne journée, le chameau, ça. Ben oui. Mais là, ça dépend, il est rendu en quel état de l'autre côté, s'il passe. Ouais. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Ça a été vraiment plaisant. Ah, ben, bonne journée, Mystère Guerrière. Angélique, ça a fait une vidéo, elle dit, il faut bloquer tout de suite les trolls. Moi, mais des fois, c'est arrivé des trolls qui m'ont servi. C'est pas toujours. Puis bon, ça nous force un peu des fois. On se fait partie de. Elle a bloqué 1000 personnes. Et là là. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Bon, ben, bonne journée à tous.